Le vérificateur général du Québec a rendu hier son rapport et on peut y lire, entre autres, les résultats d'une étude sur les dépenses d'exploration et d'exploitation minière au Québec. Et on comprend de la lecture de ce rapport que les dépenses d'exploration minière au Québec sont en explosion, ça on le savait. Mes conclusions, entre autres, du vérificateur général, et je le cite, « Il est essentiel et fondamental » que le ministère des Ressources naturelles planifie à long terme les interventions gouvernementales liées à l'exploration et à l'exploitation des ressources minérales. J'en parle ce matin avec lui et on va tenter de voir un peu plus clair dans tout ça avec le vérificateur général lui-même, M. Renaud Lachance. Bonjour, M. Lachance. Bonjour. M. Lachance, alors, cette stratégie gouvernementale en matière minière, celle que l'on attend depuis un certain temps, elle n'est toujours pas connue. Il semble que vous ayez relevé un certain nombre de lacunes actuellement là dans le dossier des mines au Québec. Est-ce que je fais une globalisation ou est-ce que je fais de l'amplification de vos propos en disant que, en deux mots, là, il semble que le gouvernement ne contrôle pas assez les entreprises minières au Québec? Il est clair que le ministère des Ressources naturelles, nous, on a regardé, bon, la stratégie minérale, elle n'a pas été publiée, mais est-ce que vous êtes en train de... Vous avez une capacité d'analyse suffisante, puis vous avez des dossiers, je dirais, là, forts pour qu'on puisse éventuellement avoir une bonne stratégie minérale. On s'est aperçu que le ministère ne faisait pas des analyses, par exemple, parce qu'on retire une juste compensation de nos ressources naturelles. Quand on compare un peu les mesures fiscales qu'on accorde aux sociétés minières versus les droits miniers qu'elles paient. Est-ce qu'on les contrôle correctement dans la restauration des sites? Puis là, ça non plus, ça fonctionnait pas. Est-ce que le ministère se donnait des, par exemple, obtient des statistiques pour voir l'évolution, je dirais, du monde des mines, entre autres, là, dans votre région? Et puis, de toute évidence, il n'y avait pas là nécessairement un suivi, en tout cas, assez important pour qu'on puisse conclure qu'ils étaient capables d'accoucher d'une stratégie minérale complète. Donc, en deux mots, là, c'est un peu le laisser-aller dans le secteur minier. Bah, disons qu'on semble, nous, avoir vu des gens, là, puis un travail qui était fortement axé sur l'exploration, donner des types d'exploration clairement sur l'industrie. Mais quand on regarde, est-ce qu'on voit des autres dimensions, comme par exemple les dimensions sociales, les dimensions environnementales, les dimensions d'une juste compensation pour nos ressources? Ça, il n'y avait pas, en tout cas, il manquait certainement d'intérêt pour ces questions. Bon. Je veux qu'on revienne sur certains des passages de votre rapport et j'aimerais avoir plus d'éclaircissements. Entre autres, lorsque vous écrivez que 14 entreprises minières au Québec n'ont versé aucun droit minier alors qu'elle cumulait des valeurs brutes de production annuelle de 4,2 milliards de dollars. Alors là, je citais votre rapport. Qu'est-ce que c'est exactement cette situation-là? C'est des entreprises qui font des ponctions dans notre sol mais qui ne paient rien en retour? C'est ça. C'est des entreprises qui ne paient pas de droit minier parce qu'elles profitent d'un paquet de déductions, d'allocations ou mesures de déduction quelconque dans le calcul des droits miniers. Donc, pendant un certain nombre d'années, elles ont retiré des ressources, mais elles n'ont jamais payé de droits miniers. Ouais. En somme, est-ce qu'on peut dire qu'au Québec, on n'a pas de redevance suffisante pour le secteur minier? Je dirais qu'il est surtout important que le ministère regarde ce phénomène. C'est ça qu'on a fait. Nous, en plus de ça, on est allé voir... Il y a un tableau dans le rapport qui compare les droits miniers qu'on reçoit, parce qu'il y en a qui en paient quand même, versus la valeur de tous les autres avantages que l'on donne. Puis, si vous faites cette comparaison-là, on s'aperçoit qu'au net, le Québec a pas, en tout cas, si on regarde ça globalement, ne semble pas avoir fait une scène avec ça. Ouais. En fait, donc, la question, c'est il faut analyser ce phénomène-là. Là. C'est ce qu'on a dit au ministère. Ouais. Et en fait, quand il y a des entreprises qui en paient quand même des droits miniers, et vous écrivez qu'elles ont versé 1,5% de la valeur brute de leur production annuelle, ça représente ça 259 millions de dollars. C'est pas énorme dans les coffres du Québec, ça. Écoutez, c'est pour ça qu'on demande au ministère, voulez-vous, si c'est ça que vous voulez comme phénomène, c'est une chose, mais il semblerait qu'il n'y a pas eu une telle analyse. Donc, vous faites au moins cette analyse-là, s'il vous plaît. Voilà. Il y a des mécanismes de contrôle aussi qui sont en place pour les sites miniers. On parle de sites orphelins, de sites abandonnés. On veut s'assurer que la restauration des sites soit faite de façon adéquate. Et vous avez noté certaines choses préoccupantes là-dedans. C'est vrai, parce que déjà, il faut savoir qu'au 31 mars 2008, le gouvernement du Québec a déjà comptabilisé 264 millions de passifs pour des sites que lui va devoir restaurer à ses frais. Et nous, il existe des mécanismes de contrôle pour s'assurer que les sociétés minières supportent idéalement 70 % des coûts de la restauration. Ouais. Or, ces mécanismes-là ne fonctionnent pas. On a regardé des dossiers précis, puis il y avait des erreurs, il y avait des, je dirais, des problèmes de délai importants, et les mécanismes ne fonctionnent pas. Puis on sait tous que si c'est pas payé, la portion qu'elle devrait normalement payer, si elle n'est pas payée par eux, bien, ça va être par les contribuables du Québec qui va être payé. Bon, quelles sont les lacunes que vous avez relevées à ce chapitre? Par exemple, avant le début d'une activité, les sociétés minières doivent déposer un plan de réaménagement puis de restauration. Oui. On a constaté que dans bien des cas, trop de cas, le plan n'était pas encore déposé. Bon, après ça, le ministère prend un délai moyen de 3 ans pour analyser ses plans. Et ça, c'est après l'analyse du plan que les sociétés minières commencent à verser leurs garanties financières. Oui. Donc, si vous prenez 3 ans pour l'examiner, si l'activité minière est déjà commencée dès le départ, ça veut dire que l'activité minière ça avance tranquillement. Donc, les versements seraient versés beaucoup plus tard. Ce qui met à risque d'être payé. Il y a eu des erreurs dans le calcul des garanties financières exigées. Il n'y a pas de suivi sur le versement des paiements. Donc, il y a des sociétés qui ne l'ont pas fait, puis le ministère ne l'a pas exigé. Donc, c'est un paquet d'éléments comme ça qu'on a trouvé. Plus le fait que les inspections ne sont pas documentées. Donc, clairement, on a malheureusement trouvé bien des lacunes dans ce dossier-là. Il y a même dans certains cas, et j'ai encore votre rapport sous les yeux, il y a même dans une dizaine de dossiers, on peut voir des plans qui ont été approuvés par le ministère, même s'il y avait eu des avis défavorables. Donc, oui. Des avis qui disaient, le plan de restauration est inadéquat, et ça a été approuvé quand même. C'est ça. Et c'est souvent, d'ailleurs, c'est un travail en coordination avec le ministère du Développement durable. Donc, l'inspection était faite par ce ministère-là. Il disait que l'opinion était défavorable et le ministère des Ressources naturelles approuvait le plan quand même. Donc, vous voyez qu'il y a un problème de coordination entre les deux ministères. Oui. Et là, vous faites un certain nombre de recommandations. Elles sont nombreuses. Mais encore là, j'ai l'impression, en les lisant, que ce que vous dites au ministère, c'est faites vos devoirs d'acquérir de meilleures connaissances dans le secteur minier. Ça peut presque se résumer à ça, non? Oui, d'acquérir des connaissances dans le secteur minier. S'il vous plaît, surveillez mieux les sociétés minières. S'il vous plaît, regardez si on retire une juste compensation. Puis d'ailleurs, le ministère a accepté la totalité de nos recommandations, ce qui veut dire qu'il est conscient qu'il doit s'améliorer. Voilà. Renaud Lachance, vérificateur général du Québec. Merci d'avoir été là ce matin. Bienvenue, monsieur. Bonne journée.